On a vraiment une belle série entre les rapides de Dolbeau-Missassini et Saguenay-Lescoutimi. Hier, les rapides ont évité l'élimination. Prochain match, ce sera samedi au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Question de savoir un peu comment que ça va. Ben, on parle avec l'instructeur-chef des Saguenay-Lescoutimi. C'est la première fois qu'on lui parle, Marc Desgagnés. Bon matin, Marc. Bonjour. Marc, si on parlait un peu de cette série, je me trompe pas en disant que c'est une série qui est très, très, très serrée, hein? Effectivement, c'est une série très serrée. On a remporté les deux premiers matchs en prolongation les deux fois, puis les Rapides sont venus gagner là chez nous hier soir par la marque de 2-1. OK. Donc, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Vraiment, la force de votre formation, c'est quoi, hein? On a une équipe rapide avec une défensive solide puis des très très bons gardiens de but, mais les forces sont sensiblement les mêmes des deux côtés. C'est ce qui fait en sorte que les matchs sont si serrés là, depuis le début de l'année contre eux, là. OK. Si on parlait un peu du côté de est-ce que le match d'hier, est-ce que du côté des Saguenayens, les joueurs étaient un petit peu trop confiants, voulant finir? Ça doit certainement pas faire votre affaire là, de revenir à Dolbeau pour un quatrième match, là. C'est sûr qu'on aurait aimé mieux finir la série hier, mais les Rapides sont arrivés le couteau entre les dents, puis ils ont sorti, ils ont travaillé plus fort que nous, là, tout simplement. Puis comme je dis à mes joueurs depuis le début de la série, c'est l'équipe qui va travailler plus fort qui va gagner cette série-là, parce qu'au niveau talent, là, les deux clubs sont très comparables. OK, ben c'est clair. Si on parlait un peu, le fait, vous l'avez pas eu facile non plus contre les Marquis dans le cadre de la demi-finale. Hein. Ça a été en prolongation. Non, ça n'a pas été en prolongation, mais ça a été dans le cadre du cinquième match. Ça n'a pas été facile nécessairement, là. On a eu une grosse série contre les Marquis, effectivement. Deux victoires en prolongation aussi. On a remonté d'un déficit de 2-0 dans la série. Okay. Les Marquis, c'est une équipe qui se sont améliorées beaucoup durant l'année. Puis nous, on avait été quasiment 3 semaines sans jouer là, suite à notre championnat de la saison. On avait eu un bail pour la première ronde, donc ça nous a pas aidé non plus. On avait plusieurs blessés qui sont revenus au courant de la série, donc ça nous a aidé. Là. OK. Est-ce que c'est un handicap un peu de pas jouer la première ronde? C'est certainement pas un avantage. Là. Ça nous donne 3 semaines complètes sans match, même si on veut bien faire des pratiques puis des entraînements solides. C'est pas la même chose que jouer des rencontres contre des équipes de la Ligue. Donc, je crois pas que ça soit nécessairement un avantage là, de sauter 2 semaines de jeu. OK. Donc là, j'imagine que on prévoit quand même un autre match très, très serré samedi au complexe sportif. On prévoit un autre match serré. C'est l'équipe qui va travailler le plus fort qui va l'emporter. Puis nous, on est bien conscients, on va travailler fort dans les pratiques cette semaine pour arriver prêt, pour que nos joueurs donnent tout ce qu'ils ont, puis qu'on essaie de terminer cette série-là contre une équipe qui mérite sa place. Donc on est fini à 5 points de différence dans la saison, là, nous et les Rapides. Et puis c'est le fun de voir une ligue en santé comme ça avec des bons matchs serrés tout au long des séries éliminatoires. Et si on parlait un peu de votre année que vous avez eue, j'ai fait le classement à POC souvent, et dans mon bulletin de sport local, les Saguenayens, vous étiez environ en deuxième, troisième, vous avez vraiment eu une belle année. Y a-t-il plus de vétérans dans votre équipe? On a seulement que 4 premières années dans notre équipe. On a eu une saison de rêve. On a remporté 3 tournois. On a perdu en finale d'un autre. On a battu les Rapides, d'ailleurs, en finale du tournoi de Saint-Bruno. Okay. Dans un match très serré, encore une fois. On a eu une saison vraiment intéressante. Un peu la même situation qu'ils ont au niveau de Dolbeau. On a plusieurs joueurs qui n'ont pas voulu aller dans le cadet, même s'ils avaient le niveau. Donc, ils ont préféré jouer ensemble dans le Bantam 2B, s'amuser pendant qu'ils peuvent. Là. C'est des jeunes de 13-14 ans, puis jouer en gang entre eux autres, c'est le fun. Mm. Donc, c'est un peu ça. On a réussi à avoir une équipe qui est mature. Donc, on a seulement 4 premières années, comme je vous disais. Donc, ça nous a donné un coup de main au fil de la saison. Okay. Puis, ce qui a fait en sorte qu'on a eu du succès toute l'année. OK. Ben, je sais pas si je dois vous souhaiter bonne chance, parce que pour le match de samedi, parce que j'ai eu Gilles Bouchard en entrevue tout à l'heure des Huskies de Rouyn-Noranda. Il vient de Normandin, puis il dit, je sais pas s'il faut que je te souhaite bonne chance, mais en tout cas, va te souhaiter bon succès pour le match de samedi, tout en espérant un cinquième match à Ville-Saguenay la semaine prochaine. OK, merci. On va espérer qu'il n'y ait pas de cinquième match, mais on va souhaiter bonne chance aux deux équipes. Puis je suis certain que les jeunes vont donner tout ce qu'ils ont à donner. Là, pour... Bon, ben merci beaucoup. L'instructeur-chef des Saguenay Bantam, Marc Desgagnés.